Et comment Allah subhanahu wa ta'ala a cité à son prophète alayhi salatu wa salam certains de ses bienfaits sur lui, il lui a ordonné de lui être reconnaissant. Il a dit fasalli li rabbika wanhar. Observe donc la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Et Allah a spécifié ces deux adorations ici, malgré que la reconnaissance nécessite de vouer un culte exclusif à Allah et que toutes les adorations soient adressées à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais il a spécifié ces deux adorations pour leur mérite et car elles font partie des meilleures des adorations. La salat qui comporte la dévotion du cœur et des membres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers laquelle le serviteur il passe d'une adoration à une autre. Ensemble d'adoration. Wa fi an-nahr également le sacrifice qui est parmi les meilleures adorations. Car dans le sacrifice de bêtes, le serviteur, il sort de ses biens. Ses biens, son argent qu'il aime, et il sort et il fait ça, cet acte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que le meilleur jour dans l'année, dans la vie qui semble être le plus juste, qui a été choisi par Cheikh l'Islam Taymiyyah, c'est le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice. Et dans ce jour-là, vous savez, le jour du sacrifice, c'est un jour dans lequel se déroule la plupart des rituels du pèlerinage, notamment tawaf, lapidation, et ainsi de suite. Et malgré ça, la meilleure adoration qui a été pratiquée dans le jour du sacrifice, c'est le fait de couler le sang pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de sacrifier pour Allah. L'adoration, c'est le sacrifice. L'adoration, c'est le sacrifice lui-même, c'est l'acte. Et ça, c'est la plus grande adoration et la meilleure adoration, la plus aimée par Allah, qui a été pratiquée dans le meilleur jour de l'année. Tu ne peux pas faire mieux. C'est là où on voit que certains de nos frères, sous prétexte qu'ils n'aiment pas la viande, ou ça les dérange de sacrifier un mouton, yani ils laissent passer cette adoration immense. Alors que le mérite, c'est tout d'abord et principalement dans l'acte du sacrifice. L'acte du sacrifice. Si t'aimes pas la viande, sacrifie un mouton avec l'intention de l'Eid et donne-le entièrement fi sabilillah. Qu'est-ce qui t'empêche de faire cela? Et ceci est meilleur que de donner la valeur du mouton en argent.